l'argent qui était mal compté, l'argent pour nous a compté. Bien dit sous ma peine, l'argent qui était mal compté. Pour comprendre nous pourrions les moins pendant l'hiver, la vie va monter moins. Bien dit sous ma peine, l'argent qui était mal compté. Laissez la vie rouler, c'est rouler la vie qu'a roulé. Bien dit sous ma peine, l'argent qui était mal compté. L'argent qui était mal compté. Ma peine, l'argent.